l'amitié avait la couleur de l'or. Ensemble nous étions solides comme le roc. Nos chants ont résonné à la vie, à la mort. Mais je n'ai pas songé à quel point j'avais tort. La vanité m'égare, je prends peur et me lasse. Ton visage se tâche, se déchire et m'embrase. Mon ami, mon ennemi, quand reprendras-tu ta place? Accoudé à mon bras, toujours prêt pour la bataille. Distinguer d'espoir, recentrer nos idées, nos rires et puis nos larmes. Mon ami, mon ennemi, ai-je donc perdu ta trace? Figé dans ma mémoire, j'en oublierai ton regard. Je brûle mes absences à mes